Chapitre 11e, lundi 8 avril. La trompette de réveil ne sonne pas ce matin dans notre camp. Cela veut dire que nous sommes bloqués par la pluie, que la rivière de Ksar el-Kébir, l'oued de Lekouts, est, comme nous le craignions, infranchissable. On se lève donc plus tard que de coutume, ayant dormi sous une tente mouillée, au-dessus d'une prairie mouillée, entre des couvertures mouillées. Déjà, on entend les tambourins et les musettes. Toute la matinée, des musiciens, des sorciers, des fous rôdent autour de notre camp, et aussi des pauvres, et des pauvresses ramassant les vieilles pattes de poulet, les os de mouton, tous les débris de nos orgies sur la terre détrempée de ce cimetière. Après déjeuner dans une accalmie de pluie, nous montons à cheval pour aller voir le gué, l'impossible gué de la rivière. Escortés de nos gardes, toujours, et précédés de l'étendard rouge, nous nous avançons vers la ville qu'il va falloir traverser dans sa plus grande largeur. Malgré le bon accueil incontestable, malgré les cadeaux et les sourires, nous suivons l'avis des sages qui est de ne jamais faire un pas sans escorte et de ne jamais s'en aller seul à plus de 100 mètres des tentes. C'est du reste la recommandation du sultan lui-même qui redoute pour ses hôtes chrétiens l'égarement de quelques fanatiques. Le chemin qui mène à la ville est un cloaque de boue liquide, semé de grosses pierres et de carcasses de bêtes pourries. Nous y galopons quand même, puisque tel est l'usage. Au Maroc, on n'hésite jamais à prendre cette allure de parade, même dans les sentiers où, chez nous, on craindrait de mener au pas un cheval tenu en main. En dehors des murailles encore debout, il y a, perdus sous les cactus, sous les roseaux et les folles avoines, des quantités de débris de remparts, remontant à je ne sais quelles époques imprécises. Ksar el-Kébir, si ignoré à présent, a eu tout un passé d'une complication extrême. C'est de là que partaient jadis les expéditions de guerre sainte pour la conquête d'Espagne. Quelques siècles plus tard, après la chute de Grenade, la ville, prise et reprise, détruite et rebâtie un nombre incalculable de fois, tomba aux mains des Portugais, et il y a 300 ans environ, à la suite de la bataille des Trois Empereurs, elle redevint définitivement marocaine. Depuis cette époque, elle dort et s'écroule lentement au milieu de ces jardins délicieux. Nous entrons par une série de vieilles portes ogivales, toujours pataugeant dans les flaques de boue gluante que les pieds de nos chevaux font jaillir en gerbe contre les murailles. Tout est sombre et sinistre aujourd'hui dans ces ruines mouillées. Chaque petite rue bien étroite, bien tortueuse, est un cloaque, un ruisseau immonde où notre passage remue des puanteurs. Rien que des gens encapuchonnés de blanc grisâtre, vêtus de guenilles grises, avec des jambes nues, jaunes et boueuses. Ils se rangent, se gardent dans des portes, de peur de nos éclaboussures, et nous regardent avec indifférence. Leurs figures, généralement belles, ont je ne sais quoi de sombre et de fermé. En eux-mêmes, ils poursuivent un vieux rêve religieux que nous ne pouvons plus comprendre. Ces gens, évidemment, ne sont pas ceux qui nous ont reçus hier dans les champs, musique en tête. On avait recruté je ne sais où ces manifestants de bienvenue. Ceux-ci n'ont même pas la curiosité de nous voir. On sent dès l'abord que cette ville n'est pas de construction arabe. Elle n'est pas blanche et ses toits en pente sont recouverts de tuiles. Le tout est d'un gris sombre plaqué de lichen jaune d'or avec un reste de vétusté caduque. Ce sont les Portugais qui ont bâti cela, et les Arabes en arrivant l'ont trouvé tel quel. Ça et là seulement, ils ont découpé leurs portiques dentelés, leurs inimitables ogives, et ils ont bâti leurs mosquées, leurs grandes tours carrées pour chanter les prières, leurs grands minarets où perchent les immobiles cigognes. Mais la chaux blanche n'a pu prendre sur ces murs étrangers sans enduit, alors on leur a laissé leur teinte quelconque. Dans le bazar, qui est couvert et obscur, les passages sont si étroits que nos chevaux, à la file, accrochent les étalages. Les marchands, accroupis dans leurs petites niches, en vêtements blancs, en turbans blancs, paraissent détachés des commerces de ce monde et insouciants des acheteurs. Ils ont surtout à vendre des cuirs, des harnais peinturlurés pour les chevaux, des sparterets multicolores qui papillotent, accrochés partout en lourdes grappes. Puis vient le quartier des Juifs, au moins aussi grand que celui des Arabes. Ici, on pourrait se croire aussi bien en Turquie, en Syrie ou en Égypte. Dans tous les pays musulmans, les Juifs se ressemblent. Leurs figures, leurs costumes, leurs maisons, à peu de choses près, sont copiés sur les mêmes modèles invariables. Nous sortons de la ville par d'autres ogives, déformées, déjetées, mais toujours délicieuses de forme et d'encadrement léger. Et voici la rivière. l'oued Lecoutz, l'ancienne Lecus des Romains. Elle est plus large que celle d'hier et encore plus encaissée. En bruissant beaucoup, elle roule à toute vitesse ses eaux boueuses. Des gens à nous se déshabillent et plongent pour sonder la profondeur, 3 ou 4 mètres. Rien à tenter pour aujourd'hui. Il y a, paraît-il, un vieux bac dans les environs, et l'on va se hâter de le réparer et de l'amener ici. Rentrons en ville, où nous sommes conviés à 2 collations, une chez Chaouche, l'autre chez un certain shérif, dont le père, bouffon de cour, fut le favori d'un précédent sultan. Chez ces 2 personnages, les réceptions se ressemblent. Descendu de cheval devant des petites portes festonnées qui s'ouvrent à peine, toutes étroites, toutes basses, dans du haut mur caduc, nous sommes introduits dans des cours intérieures à colonnades, pavées et lambrissées de mosaïques. D'abord, on nous asperge d'eau de rose lancée en coups de fouet en pleine figure, avec des flacons d'argent à long col mince. Dans des brûles parfums, on allume en notre honneur des morceaux d'un bois très cher de l'Inde, qui répandent une épaisse fumée odorante. Puis, on nous offre des sabots de gazelle dans de grands plats, et du thé dans de microscopiques tasses comme en Chine. Un thé que l'on fabrique par terre dans des samovars d'argent et qui est très sucré, très aromatisé de menthe, d'anis et de cannelle. On ne prend presque jamais de café au Maroc. Du thé, toujours et partout. Et c'est l'Angleterre qui le fournit, ainsi que les samovars pour le faire et les tasses dorées pour le boire. Des bateaux anglais jettent dans les ports ouverts des quantités considérables de ces choses, et les caravanes les répandent ensuite jusqu'au fond du Maghreb. La réception du shérif, fils du bouffon de cour, me semble cependant la plus jolie des 2, et sa maison aussi, sa vieille maison tout en mosaïque et en blancheur de chaux, immense et délabrée. Il est lui-même quelqu'un d'étrange et d'attachant. Sa figure, extrêmement fine et douce, garde une expression toujours mystique. À chaque parole aimable que l'on essaye de lui dire, il croise ses mains sur sa poitrine dans une pose de saint des primitifs et baisse la tête avec un sourire de jeune fille. Je m'attarde en sa compagnie, tout en haut de sa maison, sur sa terrasse qui est grande comme une place publique, gondolée, ravinée par les pluies et les soleils. Des couches de chaux blanches accumulées pendant des siècles en ont arrondi tous les angles. Elle est bordée d'un mur crénelé, avec 2 petites meurtrières pour regarder au loin sans être vue. C'est la promenade la plus élevée de la ville, d'où l'on domine tout. Seules les vieilles tours sombres des mosquées, avec leurs cigognes immobiles, la dépassent dans le ciel. Bien que ce soit contraire aux usages, c'est là, dit-il, qu'il passe la plus grande partie de sa vie, surtout ses soirs d'été. Pour des raisons politiques, il a été expulsé de Fès étant encore enfant, et n'espère pas obtenir la grâce de quitter jamais cette résidence de Ksar el-Kébir, que le sultan lui a assigné comme lieu d'exil. Il étudie les sciences et la philosophie, telles sans doute qu'on les enseignait au Moyen-Âge, dans de vieux manuscrits arabes extrêmement précieux, où la divination et l'alchimie tiennent une large place. Nous sommes là 3 personnages faisant mélancoliquement le tour de cette haute terrasse. Lui, le shérif, tout vêtu de voile blanc, Chaouche en long caftan violet et moi. Mais je me sens gêné d'apporter une tache dans ce tableau sans âge, qui, si je n'étais là, pourrait aussi bien être daté de l'an 1200 ou de l'an 1000. Je songe aux abîmes de tranquillité et de mysticisme qui doivent séparer les conceptions de ce shérif des conceptions d'un monsieur du boulevard. Je cherche à me représenter ce que peuvent être sa vie murée, son rêve et son espérance. Et j'envie ces soirées d'été dont il me parle, passées ici à contempler de haut toutes les autres terrasses de la ville morte, à écouter chanter les prières, à sonder là-bas les lointains sauvages de la plaine et des montagnes d'alentour, à regarder, par ces sentiers qu'aucune voiture n'a jamais parcourus, passer les caravanes. Rentrer au camp sous la pluie, éclaboussé jusqu'aux épaules de l'eau fétide des ruelles et des cloaques, nous trouvons les abords de nos tentes de plus en plus envahis par la truanderie de Ksar. Encore des sorciers, des mendiants sans jambes, qui se sont traînés jusqu'ici sur leur derrière, dans l'épaisseur des boues, pour récolter quelques flocs de bronze, des piécettes qui portent le sceau de Salomon et dont il faut environ 7 pour faire un sou. Et des vieilles femmes, demi-nues, sont à 4 pattes sous nos mulets, grattant la terre avec les ongles pour trouver les grains qui restent de leur orge et de leur avoine.